On va démarrer tout de suite avec Béranger Clasquin, notre président, par téléphone également, parce que forcément, il y a plein de virus en ce moment. Salut Béranger. Salut Aurélie, bonjour à tous. Alors j'ai envie de te demander comment ça va, mais bon, ça va pas très bien, je crois. Hein. Bah écoute, je suis assez triste, même très triste de ne pas être avec vous ce soir, mais je suis très content que ces 40 heures de direct commencent pour fêter nos 40 ans d'existence. Donc voilà, je suis sentiment mitigé, j'aurais aimé être là, mais je préfère vous épargner mes virus et qu'on puisse communiquer uniquement de vive voix cette fois. Oui, on t'en remercie, parce qu'on a 40 heures à tenir quand même, donc un petit virus là, une petite épidémie à Fadjet, ce serait pas le bon moment. Béranger, toi, ça fait un petit bout de temps quand même que tu es à Fadjet, tu es président aujourd'hui, tu es plus jeune que la radio. Ça fait quoi, un peu plus de 10 ans que tu connais Fadjet? Raconte-nous un peu ton parcours, parce que c'est quand même un parcours assez exceptionnel. Oh, exceptionnel, je sais pas, un peu atypique. C'est vrai que tu disais que je suis plus jeune que la radio. Alors, c'est vrai que je suis plus jeune que la radio, mais je suis aujourd'hui moins fringant que Radio Fadjet. Puisque là, ce soir, en tout cas. Pleine de vie. Bah, mon parcours au sein de Radio Fadjet, il est, j'ai poussé la porte un peu comme tout le monde, hein. Par hasard, en fait, j'étais bénévole pour une autre asso dans le quartier, Charles III. Et puis j'ai poussé la porte, j'ai rencontré Yves, responsable technique, qui m'a proposé d'intégrer une matinale comme bon nombre de bénévoles animateurs ont fait. Et puis j'ai pris goût tout simplement à venir, à me lever chaque matin et participer à ce beau projet associatif. Et puis par la suite, tout simplement, j'ai eu la possibilité d'être le premier service civique de Radio Fadjet, donc j'en suis extrêmement fier, donc sur l'animation de réseaux sociaux, de la com interne, un peu. Oui, qui a démarré aussi tous les réseaux sociaux de la radio. Ouais, exactement. Et puis en parallèle, je faisais quand même de la radio pure en animant une émission avec pas mal de copains autour du sport société, voilà. Et voilà pour. Et donc aujourd'hui président. Oui, parce que le chemin naturel pour moi était de rendre toujours service à la radio comme Radio Fadjet a pu me rendre service dans ma vie perso. Et donc j'ai candidaté pour être membre du conseil d'administration. Donc j'ai été approuvé, élu comme on dit. Et puis par la suite, quand Bernard Coidon, le dernier mon prédécesseur, a quitté ses fonctions, je me suis dit pourquoi pas continuer à aider peut-être d'une autre manière cette fois-ci Radio Fadjet par l'animation du conseil d'administration et sa représentation tout simplement. Donc là je suis extrêmement fier d'occuper cette fonction, pas pour être président mais tout simplement pour être le représentant de Radio Fadjet et voilà, c'est toute ma joie aujourd'hui. Est-ce que tu as un mot d'ouverture? Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à tous ceux qui nous écoutent, à tous ces animateurs aussi bénévoles mobilisés sur ce week-end en tant que président? Déjà, un grand, grand, grand merci pour les salariés, les bénévoles, les animateurs, nos partenaires d'être présents pour soutenir ce beau projet, pour soutenir ces 40 heures qui montrent vraiment la vitalité de notre structure, parce que 40 ans, ça peut paraître un peu ancien, mais c'est quand même tout neuf encore pour moi. Donc, je trouve que cette belle vitalité, elle est bien représentée. Elle va être bien représentée dans ces 40 heures et puis sur les autres événements sur l'année. Donc voilà, un très très grand merci et puis continuez à vous investir pour notre belle association, pour que les 40 ans futurs soient aussi bien que les 40 ans passés. Mais on a hâte des 80 ans pour faire les 80 heures de live quand même. Je sais pas si on sera là, mais bon, on fera tout pour être là en tout cas. Mais en tout cas, oui, c'est l'objectif de continuer, de perdurer, de faire vivre notre projet associatif, culturel sur les 40. T'es gentil, 40, pourquoi pas 50 prochaines années, Aurélie. Oui, mais bon, ça fait beaucoup d'heures de live après. Ah oui, après, faudra embaucher. On pourra plus tenir, il va falloir renouveler l'équipe. Hein. Exactement. Un grand merci Béranger, donc président de Radio Fadjet à distance, parce que un peu cloué au lit ce soir pour ce démarrage, c'est dommage. Mais on compte sur toi pour les 80 ans, c'est ça? Tu seras en studio. Exactement. En tout cas, je vais faire tout pour me requinquer puis être présent très prochainement pour Radio Fadjet. Et en tout cas, un grand merci encore à tout le monde et profitez bien de ce bel événement. Très bien, merci, bonne soirée. Va te reposer, merci. Allez, une bonne soupe et au lit. Bonne soirée, salut Béranger. Salut.